Pour ce deuxième extrait, rappelons-nous que Madame n'avait que 26 ans lorsqu'elle mourut. Madame se meurt, Madame est morte. Considérez, messieurs, ces grandes puissances que nous regardons de si bas. Pendant que nous tremblons sous leurs mains, Dieu les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la cause, et il les épargne si peu qu'ils ne craignent pas de les sacrifier à l'instruction du reste des hommes. Chrétiens, ne murmurez pas si Madame a été choisie pour nous donner une telle instruction. Il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque, comme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même coup qui nous instruit. Nous devons y être assez convaincus de notre néant. Mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille? Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts. On trouve tout concerné, excepté le cœur de cette princesse. Partout, on entend des cris. Partout, on voit la douleur, le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Mais, et les peuples, et les princes, gémissaient en vain. En vain, monsieur, en vain le roi même, tenait madame, serrée par de si étroits embrassements. Alors, ils pouvaient dire l'un et l'autre, avec saint Ambroise, je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. La princesse leur échappait, parmi des embrassements si tendres, et la mort, plus puissante, nous l'enlevait, entre ses royales mains. Quoi donc? Elle devait périr si tôt. Dans la plupart des hommes, les changements se font peu à peu, et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup. Madame, cependant, a passé, du matin au soir, ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait. Avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous la vîmes sécher. Et ces fortes expressions, par lesquelles l'Écriture sainte exagère l'inconstant des choses humaines, devaient être pour cette princesse si précise et si littérale.